Bonsoir à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 35. J'ai l'habitude de vous demander comment ça va, mais aujourd'hui, ça va être un épisode assez spécial pour les raisons qu'on connaît tous. C'est un peu le chaos présentement dans la vie. Et puis, c'est ça, ça m'a pris un peu de temps avant d'enregistrer un nouvel épisode à cause de tout ce qui s'est passé, bien sûr. Ma vie a changé beaucoup, comme celle de plusieurs personnes, dont plusieurs personnes qui m'écoutent. J'en suis convaincu. Dans le fond, c'est ça. Aujourd'hui, je vais parler de la vie, de ma vie, par rapport à mes projets. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va être pas mal ça, en fait, parce que tout a changé là, de presque du jour au lendemain. Donc, c'est ça. Ceux qui écoutent en audio, je suis présentement chez Retro Montréal. Ça va avoir beaucoup changé ici aussi. Je bois une bonne ping-pong IPA de la microbrasserie Pixel, que je remercie et que j'adore. C'est de la bière de commandite pour Rétro Nouveau, mais il n'y a plus de Rétro Nouveau pour l'instant. Ça fait qu'il faut boire cette bière de commandite-là. Donc, cheers, Étienne de Pixel. Merci beaucoup. Je bois jamais de bière quand j'enregistre un épisode de chez Papa Cassette parce que c'est tout le temps le matin avec un café. Mais là, c'est plus vraiment facile de faire ça le matin chez moi. Donc, je vais y aller un petit peu chronologiquement, je dirais, juste pour expliquer un peu, ouais, pour jaser. C'est vraiment un épisode, j'ai besoin de me vider, là, tu sais, à ça. Aujourd'hui, ça a été une grosse journée. Aujourd'hui, c'est la journée où est-ce que le premier ministre a annoncé qu'il fermait tous les commerces. Absolument tous les commerces. Donc, on était déjà pas mal affectés. Mais là, c'est comme un petit coup de barre de plus là, qui a demandé une gestion importante, disons, à travers toute la gestion qu'il y avait déjà à faire. Là, je suis fatigué. C'est difficile d'être entrepreneur quand tu fais juste comme gérer des affaires au lieu d'essayer de développer des choses. Mais c'est ça, tout ça a commencé il y a plusieurs jours. On dirait que ça fait déjà une éternité quand le premier ministre a annoncé qu'il fallait fermer les bars et puis a réduire les restaurants à 50% de leur capacité. Il a fallu fermer Arcane Montréal, donc je me rappelle, on était dimanche. Parce qu'on n'était pas sûr qu'est-ce qu'on allait faire, on a décidé de rester ouvert quand même le vendredi et le samedi. Ça a été des soirées tranquilles pour des soirées de fin de semaine, le tiers des gens à peu près. Et puis, c'est ça, il a fallu fermer après ça. Et puis, il n'y a plus rien qui se passe par rapport à Arcane Montréal. C'est tombé sur pause complètement. Et puis, ça, ben, dans le fond, ce qui se passe avec ça, c'est que c'est bien. Arcane Montréal, on a quand même un très, très bon buffer d'argent, dans le fond. Donc, il faut continuer de payer les bills. Moi, personnellement, d'ailleurs, je crains un peu. Pas je crains, mais disons, je base pas ma vie sur les aides gouvernementales qui vont arriver ou pas arriver ou peu arriver ou arriver trop tard. Au moins, l'arcade peut rester en santé. Peut rester endormi pendant un bout. On a de l'argent. On est à jour, on n'a aucune dette, on a pas mal d'argent de côté. Fait qu'on peut continuer de payer le loyer. Puis c'est pas mal la seule dépense qu'on va avoir. Hydro, ces affaires-là, mais ça, c'est pas grand-chose. La plus grosse dépense, c'est le payroll, bien sûr. Plus de payroll. Plus de revenus, mais plus de payroll. Plus de besoin d'acheter de bière, plus besoin d'acheter rien, plus de fruits, plus de rien. Fait que dans le fond, si ça reste de même, on peut toffer un bout. Mais là, ce qui arrive, ça va faire un lien avec Retro Montréal, dans le fond. On a continué de garder ouvert Retro Montréal après ça, comme pas mal les commerces. Et puis, on s'est mis à faire attention. On était inquiets, on jonglait vraiment entre genre, Colin, on est-tu comme irresponsable de rester ouvert? En même temps, on a le droit de rester ouvert, puis on veut continuer de donner de l'emploi à notre équipe, puis à nous autres, puis on veut pas se mettre dans la merde, tu sais, ou éviter la merde, tout en faisant attention. Fait que dans le fond, étrangement, quand les commerces sont mis à fermer, puis tout ça, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup plus de ventes ici en magasin, beaucoup, beaucoup plus de monde. Et puis, c'était quand même surprenant à quel point les gens font pas attention. Et puis, ça nous troublait quand même un brin, là. Les gens, comme aucunement, le mètre de distance n'était pas vraiment respecté. Le monde taponnait tout. Tu sais, comme, c'est vraiment étrange, là. Serre la main, tu sais. Je suis pas surpris aujourd'hui que les mesures soient vraiment plus serrées, là. Fait que, en tout cas, on s'est dit, ça c'était jusqu'en fin de semaine passée. Là, on est lundi. Je sais même plus quelle date. Je suis comme complètement perdu dans le temps. Et puis, c'est ça. Là, on s'est dit, OK, on va faire attention. On va garder ça ouvert encore. On va finir dimanche soir. Puis là, on va faire une annonce pour dire qu'on ferme. Mais que les gens peuvent passer en magasin chercher leurs commandes qu'ils font en ligne s'ils veulent cueillir en magasin ou leurs précommandes et puis tout ça. Puis pendant ce temps-là, on continue d'employer toute notre équipe à faire le gros ménage ici, à faire l'inventaire de tout ce qu'on a, console par console avec notre système pour trouver des erreurs, ajuster les quantités. Et puis après ça, passer au peigne fin, tout ce qu'il y a dans le sous-sol, le nettoyer, le mettre en ligne des affaires, comme bourrer le site, booster Facebook pour essayer de booster nos ventes en ligne. On s'est dit, on est au moins capable de faire travailler le monde pendant 2-3 semaines. Ça va augmenter notre... On va perdre la vente en magasin, ça va monter en ligne. Ça va-tu monter aussi haut qu'avec la vente en magasin? Je ne sais pas. Mais si on réussit à être à 50 % de ça, on devrait être capable de faire travailler tout le monde en faisant pas de pertes. Puis si on est chanceux, des maigres revenus, tu sais. Fait que c'était notre plan, tout était prêt, on a fait l'affiche, on a averti notre équipe, on a tout mis ça en branle, une marche à suivre, vous allez faire ça, on a refait l'horaire au complet, toi t'es lundi avec telle personne, ta. Donc on annonce ça dimanche soir, lundi midi, aujourd'hui, le premier ministre dit « ferme tous les commerces ». Là, je suis comme « oh, tabarnak ». Ça donnait un coup de barre aujourd'hui, sérieux, là. Tiens, je vais prendre une petite gorgée. Pas que... Je sais pas que ça va changer, en fait. Lorsqu'on a mis à pied tous nos employés, bien sûr, ils pourront retirer... Temporairement, ils pourront retirer du chômage. Et puis, nous, c'est ça le problème, tu sais, quand t'es entrepreneur. T'as rien, tu sais. Tu bâtis des choses. T'emploies du monde, tu montes des business, tu sais. Nous autres, mes deux business, on n'a pas demandé d'aide, on n'a rien, on n'a pas de dette, on doit de l'argent à personne, tout ce qu'on a, on l'a bâti de nos mains, tu sais. Puis on est bien fiers de ça, on a des employés, j'ai une quinzaine d'employés, là, je pense, avec les deux business. Tu sais, on paye des grosses taxes, on paye tout. Puis quand tout shut down, c'est les entrepreneurs qui n'ont rien, qui n'ont pas d'aide. Alors, moi, du jour au lendemain, comme ça, moi, j'avais des dividendes de l'arcade. À chaque mois, l'arcade me donne des dividendes. À chaque mois, le magasin me donne des dividendes. Et puis, à chaque mois aussi, j'avais un salaire du magasin quand je rentrais faire des heures ici, une petite paye. Pas grand chose. Et puis, je faisais aussi des vidéos sur RDS, dans le fond. Ça aussi, c'est un revenu. Fait que là, RDS m'a annoncé d'ailleurs qu'il fallait qu'ils coupent. Fait qu'ils m'ont coupé. Maintenant, j'ai plus de revenus de RDS. C'est pour ça que vous avez accès à cette vidéo-là directement et non genre une semaine après RDS. Fait que ça va être ça à partir de maintenant. Puis je pense que je vais le maintenir même après la crise. J'ai envie de booster mes affaires personnelles. Je vais en reparler plus tard. Fait que c'est ça. Donc là, moi, j'ai plus rien. Parce qu'on a mis les dividendes de l'arcade sur pause. Parce qu'il faut pas vider notre compte non plus à se payer nous-mêmes en attendant. T'sais, quand on va réouvrir, on va avoir besoin d'argent. Faut racheter de la bière, faut remplir le guichet, faut faire des choses. En tout cas, à tout le moins, on a eu le temps de faire un très gros ménage dans l'arcade, teindre, vernir les planchers, tout le kit. Fait que ça va être sa grosse coche quand on va réouvrir. Ça, quand même, c'est plaisant d'en profiter. Puis le magasin dividende sur pause et puis tout est sur pause. Donc, le revenu, zéro. C'est malade. Mais au moins, dépenses zéro aussi. Là, c'est là que tu te rends compte, tu sais, là, ça fait quoi, 3 semaines qu'on est en crise, là, je sais plus. Puis, les enfants, man, ça coûte cher, les enfants. Les frais de garde, les activités, comme les sorties, tout. C'est là qu'on se rend compte que, man, de l'argent, on en passe en maudit. Mais là, on est dans la maison. On est que dans la maison. Fait que l'argent baisse pas tant que ça. Mais là, l'hypothèque va passer quand même, l'hypothèque de notre maison. Mais tu sais, les enfants, on n'a plus d'école, on n'a plus de lunch, on n'a plus de service de garde. Service de garde, ça coûte cher pareil, là. Et puis, c'est ça, il n'y a plus rien. On avait des activités de cabane à sucre avec les voisins. Tu sais, comme on n'a plus aucune dépense, là. Aucune. Fait que ça aide beaucoup. Fait que dans le fond, c'est ça, tu sais, je me sens pas mal pris par rapport à l'argent. Puis par ailleurs, ma conjointe travaille pour le gouvernement et dans un service qui est essentiel, apparemment. Donc, elle travaille beaucoup. Alors, moi, je suis un homme à la maison maintenant avec les enfants. Et puis, le salaire de ma conjointe va essayer de compenser. Par contre, je suis pas un imbécile. Je me suis fait un fonds d'argent et puis j'ai un beau petit fonds là. J'ai 10 000 de côté, on va se dire les chiffres. J'ai un 10 000 piastres de côté puis j'ai une possibilité d'endettement d'une marge de crédit d'environ 8 000. Fait que j'ai 18 000. Après ça, je suis endetté puis j'ai plus rien. Fait que je sais pas combien de temps va durer cette folie-là. J'ai aucune idée de l'avenir, comme vous tous. Hein, on dit début mai, les business fermés pour 3 semaines. 3 semaines, je crois pas du tout. Moi, dans le fond, ce que je vois qui arrive, c'est qu'on fait. Il arrive ici les mêmes choses qui arrivent en France, puis en Italie, puis partout. C'est qu'ils imposent des mesures au compte-gouttes, tu sais, à la semaine, après ça, aux 3 jours. Fait que, ça sera pas long si c'est pas déjà fait au moment où est-ce que vous écoutez ce podcast-là. On va tous être dans nos maisons, puis on pourra plus sortir. Puis il va y avoir de la sécurité dehors pour s'assurer que le monde ne fait pas n'importe quoi. T'sais, parce que le monde a fait trop n'importe quoi, justement. Fait que, un autre petit gorgé. Donc, c'est ça qui se passe. C'est une drôle de situation. Mais, on a la chance au moins de notre côté, dans notre famille, d'être quand même stable par rapport à ça. Et puis, l'hypothèque va passer, on va pouvoir la payer. On va voir avec nos locataires en haut, on a des locataires. C'est quoi la situation? On a une petite madame de 82 ans, elle a sa pension, pareil, puis tout, fait que ça change rien. Notre autre locataire, il est pris en Afrique, en Jordanie, dans une petite chambre, là, style militaire, là-bas, avec d'autres personnes. Il est comme confiné là-bas. Et puis, on s'occupe de lui, bien sûr, mais tu sais, il est comme pris en Jordanie. Comme... c'est incroyable. Fait qu'il peut pas revenir, lui, il est coincé là tu sais. Donc, je sais pas quand il va pouvoir revenir ou quoi que ce soit. Je sais pas si on va pouvoir encaisser son chèque de loyer ou bien si on va l'aider un peu en repoussant ça. Je sais pas sa situation financière, on va voir avec lui bientôt. Mais c'est sûr qu'on peut pas faire des cadeaux à nos locataires pendant bien longtemps parce que nous, la banque, elle nous fait pas de cadeaux. Peut-être qu'on pourrait se renseigner pour voir qu'elle nous en fasse. Par contre, peut-être pas maintenant, tu sais. Là, on est capable de passer le prochain premier du mois, ça c'est bien certain. Moi, j'ai stoppé, je parlais de virement automatique dans mes autres podcasts. J'ai stoppé tout ça, bien sûr, je mets plus une scène dans les CELI, REER, rien. Je garde tout mon argent. Tout le monde fait ça aussi. Les marchés crash. Man, il y a du monde qui meurt, tu sais, du virus, tout ça. Puis c'est épouvantable de voir ça se répandre de même sur la Terre, tu sais. C'est incroyable. Mais autre chose aussi qui est assez épouvantable, c'est de voir l'économie mondiale s'écrouler, tu sais. C'est vraiment... Ça m'inquiète autant que le virus, là, tu sais. Même quasiment plus, personnellement, parce que je fais attention, je me sens... quand même protégé, disons, par les on reste dans la maison, on fait attention. Mais je regarde, tu sais, tout s'écrouler autour. Je dis, c'est incroyable, ça. C'est vraiment tough, là. Mais en même temps, pas mal tout le monde est dans cette situation-là. Le gouvernement annonce de l'aide. On va voir. Là, il y avait de l'aide aux travailleurs. Ouais, parce que moi aussi, je suis travailleur autonome. Je faisais des petits contrats. J'en faisais encore un peu. Là, j'essaie de voir si je peux avoir de l'aide de travailleur autonome. Je vais avoir du chômage de ma petite paye du magasin. On va essayer d'avoir ça. Fait que je vais ramasser une coupe de grenouilles là, pour contribuer au salaire, au revenu familial. Mais hey, en plus, tu sais, c'était avant la relâche. On est parti. La télé a tilté. On avait une seule télé à la maison. boguait. Elle avait des problèmes. Fait que je l'ai envoyé chez un réparateur pendant la relâche. Et puis, quand en revenant de la relâche, j'appelais le gars puis la télé. Puis, il n'a pas pu la réparer. Puis, elle a sauté. Fait que cette fin de semaine-là, je suis allé acheter deux télés, 65 pouces, tu sais, pas trop cher, beau modèle. Et puis, vous avez vu sur les photos de mon setup, dans le fond. Et puis, une en haut puis une en bas. C'est comme une chance que j'imagine si on n'avait pas eu de TV puis qu'on n'aurait comme pas pu se faire livrer de TV ou je sais pas quoi. Fait qu'au moins, on peut fucking écouter la TV, là. Et puis, gamer sur les TV puis tout ça. On essaie de pas juste faire ça, bien sûr, mais man, les journées sont longues. Et puis, autre affaire, notre frigo a commencé à lâcher aussi il y a une semaine et quelques. Fait que là, on a emprunté un petit frigo style l'appartement d'étudiant là, pour mettre dans le coin de la cuisine pendant que notre gros frigo, il perd un peu plus de froid à chaque jour. Puis à un moment donné, il refroidira plus du tout. Il y a une fuite dedans. Puis c'est irréparable, il faut le changer. Mais c'est un frigo quand même récent. Donc, on a envoyé une mise en demeure à la compagnie pour essayer d'avoir une compensation, tu sais, parce qu'ils nous offraient des fucking peanuts. Mais là, ça, c'est long, ce processus-là. Puis là, avec tout ce qui arrive, ça n'arrivera jamais. Mais là, quand il a annoncé, puis là, on s'est dit, de la merde, tu sais, on a besoin d'un frigo, là. Fait qu'on a commandé un frigo sur Internet. La livraison est prévue pour demain, mardi. Puis aujourd'hui, lundi, le premier ministre annonce qu'il faut que tout ferme. Là, je suis comme, tu sais, on peut pas. On est une famille de quatre, on a besoin de du manger, Chris. Ça rentre pas dans un frigo d'étudiants, ça, là, là. On a besoin de faire des réserves un peu, là. Puis là, on n'est pas des cabochons qui vont faire une épicerie d'un mois puis acheter tout le papier de toilette, là. On fait des épiceries comme d'habitude, on veut pas aller dans l'épicerie, tu sais. Fait qu'on va acheter quand on a de besoin, on se refournit correct, puis that's it. Mais là, s'ils peuvent pas nous livrer notre frigo demain, on va être pognés avec ce petit frigo de marde-là, va falloir, tu sais. Oh là là là là. Mais ça devrait être correct, là. On a appelé la compagnie, puis ça devrait rentrer, mais au moins, les travaux sont finis dans la maison. S'il fallait qu'on soit dans poussière, puis dans marde, puis dans les affaires, puis dans le bordel, puis dans le chaos, là, ça serait vraiment, vraiment difficile parce qu'on était déjà assez down d'être dans cet état-là avant que le monde explose. Fait que, ouais, là, on est quand même mieux. Là. Fait que, donc, pour Retro Montréal, ce qu'on va faire, on va maintenir les ventes en ligne. On a le droit de faire ça, à ce que je comprends. Et puis, l'un de nous va passer ici, préparer les commandes et puis mettre du stock en ligne. On va continuer de filer le site web, là, pas aussi gros volume qu'on l'aurait souhaité, mais on va continuer de le faire. Et puis, vous pouvez continuer il faut que je raconte un peu par rapport à ça. Vous pouvez continuer d'acheter sur le site web aussi, puis ça va continuer comme d'habitude pour le online à vraiment plus petite échelle, là, tu sais. Ben, je veux dire, si vous achetez massivement, moi, je vais venir le soir comme présentement, puis on va s'organiser, là. Mais il n'y a personne qui va venir travailler. Il n'y a pas d'employés qui vont s'exposer ou qui vont avoir de troubles. Et puis, on va faire ce qu'on a à faire ici pour essayer de maintenir ça à flot. Parce que là, tu sais, on est des associés ici, on est des associés à l'arcade. On peut prendre l'argent dans ces comptes-là puis se le donner, tu sais, pour s'aider en dividende, nous tous. Mais le but, c'est pas de vider les réserves des entreprises, tu sais, on va faire faillite, là. Fait que c'est vraiment de trouver une balance entre, genre, se nourrir de l'argent qu'il y a dans les compagnies pour pas qu'on meure, et puis pas mettre les compagnies en faillite, et puis réussir à, genre, compenser un peu de notre bord en serrant les coudes, puis en n'allant pas chercher cet argent-là, tu sais, c'est ça, là, ça va être une balance comme ça, là. Moi, je suis prêt à prendre de mon buffer personnel de 10 000 pour comme pas vider les comptes des entreprises, pour pouvoir que les entreprises repartent après, là, tu sais. Donc, on va voir à ça. Mais c'est ça, ce qui est drôle, puis vous l'avez vu sur la page Facebook de Retro Montréal, on a maintenant le retromtl.com. Si vous ne le saviez pas, notre URL, c'était retromtlgames.com, parce que le retromtl.com n'était pas disponible. Fait qu'on a le RetroMTLGames.com, puis on a aussi jeu au pluriel RetroMTL.com. On roulait avec ça. Puis on avait fait une demande à GoDaddy pour négocier le RetroMTL. Et puis, excusez, hein, ceux qui écoutent en audio, je pleure pas, là. C'est comme d'habitude, j'ai de la misère avec mon... Mon souffle. Fait que, donc, c'est ça. Il y a plusieurs semaines, là, tôt au retour des fêtes, on a communiqué avec eux pour essayer de négocier pour avoir le RetroMTL.com. On a commencé par, tu sais, dans le fond, de la façon que ça marche, c'est que GoDaddy négocie ça avec le propriétaire de l'URL. C'est GoDaddy qui négocie, puis il se garde une cote. Fait qu'on a commencé avec 300$, tu sais. On va voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, eux autres, ils étaient comme fucking haut, là, genre 10 000, une affaire de fou. Donc, il y a eu du back and forth de même. Et puis là, genre jusqu'à il y a 3-4 semaines, on s'est dit, là, fuck it, notre dernière offre, c'est 3 000 US. Puis, that's it. Fait que 3 000 US convertis plus la cote que GoDaddy allait se prendre, si ça passait, c'était un total d'à peu près 5 000 Canadiens. Donc, 5 000 $ pour l'URL, là, tu sais. C'était le maximum qu'on était prêt à mettre parce qu'on croit qu'un URL propre comme RetroMTL.com, ça va aider les ventes, ça va être bon pour l'entreprise à long terme. C'est un investissement, tu sais. Puis, on a de l'argent de côté, l'entreprise aussi. On s'est dit, on va piger là-dedans. Puis, tu sais, on a un compte de roulement, qu'on paye les bills, on achète les lots, on paye le staff, l'argent rentre, ça bouge. Mais à chaque mois, on en met un petit peu de côté aussi, les virements. Et puis, ce compte-là, il a gonflé un peu. Donc, on s'est dit, on va piger là-dedans, tu sais, puis on va investir avec ça. Mais on n'avait pas de nouvelles. Donc là, on s'est dit, bon, c'est fini, tu sais. Puis là, quand la marde a commencé à hit the fan, puis ça a commencé à être tough, bang! GoDaddy, ils ont dit « Hey, la transaction a passé, ils ont accepté, c'est beau, parfait, on prend l'argent, puis c'est à vous. » Parce que quoi? Colin, vous auriez pu nous le dire, là, tu sais. C'est comme pas le temps, là, d'acheter 5 000$ pour un URL. Tu sais, ils ont comme fait cette transaction-là parce que je suis sûr que le propriétaire de l'URL, il veut avoir son argent, plus il veut de l'argent. Tout le monde veut de l'argent, là, présentement. On nous propose plein de jeux à acheter ici, là, tu sais. Fait que tout le monde court après ses scènes, là. Fait que soudainement, whoop, comme par magie, cataclysme, l'argent est précieux. OK, on va vous prendre cet argent-là. C'est comme, tabarnak. On aurait sûrement pu bloquer ça puis empêcher ça. Par contre, à ce moment-là, on s'est dit, fuck, tu sais, all right, ça fait mal, mais si notre plan de rouler la mise en ligne à fond fonctionne, tu sais, on est capable d'encaisser ça. Puis d'avoir de l'argent quand même, puis que ça roule, puis qu'on ne perde pas d'argent, tu sais. Mais là, avec, genre, les employés qui ne peuvent plus venir donner un coup de main là-dessus, là, c'est... Là, on va vraiment être au ralenti, là. Là, on va vraiment être en mode cruise control, là, tu sais. On a quand même acheté un lot cette semaine, un joli lot. Et puis, les vendeurs étaient bien conscients de notre situation. On leur a dit, tu sais, on peut vous offrir ça présentement, là. Puis, ils ont accepté, tu sais, puis ils comprennent la situation. Fait qu'on va avoir ça. Ça va nous aider pas mal. Mais on était supposé acheter 50 NES et puis 50 Super NES pour avoir du backup un peu, parce que les consoles, on en a toujours besoin. C'était une transaction de quelques milliers, ça aussi, disons. Mais ça, sur pause. C'est comme, c'est pas le temps d'acheter ça. C'est pas le temps d'acheter les affaires. Fait que, c'est ça. Puis, par contre, la bonne nouvelle, vous l'avez vu aussi, j'en ai parlé, Limited Run ne permettait pas de mettre nos jeux sur notre site web avant 6 mois après leur sortie. Or, maintenant, on peut les mettre n'importe quand à cause de ce qui se passe. Parce que les gens viennent plus en magasin, bien sûr. Fait que là, ben, on a tout mis notre stock limited run sur le site. Il y en a parti pas mal, fait qu'on est bien content. Est-ce qu'on va en recommander pendant les 3 prochaines semaines? J'en doute, parce qu'il faut comprendre qu'on fait très peu d'argent avec les jeux neufs. Fait que si on gèle du... Puis tu sais, en plus, si on fait du shipping gratuit pour les commandes de 100$ et plus... C'est nous autres, puis souvent ça coûte, c'est 8$ le shipping, mais pour nous c'est toujours plus, tu sais. Parce qu'on est prêt à accepter une perte sur le shipping pour que vous ayez un meilleur prix. Mais là, ça veut dire qu'on achète des jeux neufs, qu'on vous les ship, qu'on fait pas une scène, tu sais, ça fait comme un peu pas de sens, tu sais, en ce moment, disons. Donc, c'est pour ça qu'on met pas, mettons, une Switch neuve sur notre site web non plus, on fait 5$ là-dessus, ça, c'est au-dessus de 100$, le shipping est gratuit, donc on perd 5$ à vendre une Switch neuve en ligne, tu sais. Alors tout ça n'aura pas lieu, puis c'est bien normal, là. Même nos fournisseurs, ils savent bien, le monde va arrêter de se fournir en jeu, Chris, on peut plus les vendre. Fait que c'est le moment pour vous, chers amis, si vous voulez des jeux, de nous encourager, puis d'aller sur notre site web et puis de commander. C'est très simple, c'est très efficace, puis on demeure quand même au bout du fil sur Facebook et puis par email pour répondre aux gens, puis gérer les précommandes, tout ça. Final Fantasy VII aussi, c'est fucking compliqué, tout ça. Fait que c'est ça ma situation. Moi, je suis passé à soir. Moi, j'étais à la maison avec les kids, man. À un moment donné, on sait plus quoi faire, là, tu sais. On sait plus quoi faire. Tu peux même aller au parc, tu peux même pas aller dans les modules, tu sais. On peut pas voir personne. On joue au hockey dans la ruelle. Tu sais. C'est long, là. Je joue mon plus jeune, qui a 7 ans, il est wise quand même, il est très bon. On joue au Monopoly, on joue à Risk, on joue au Scrabble, on joue au Rummy, on joue à des affaires. Puis au moins, je suis capable de jouer avec lui comme avec un adulte. Fait que c'est pas trop pénible, tu sais, pour moi. Parce que c'est quand même pénible en tant que parent, des fois, je fais des gagas toute la journée, là, ça. Et puis, vous savez, ceux qui ont des enfants, là, mon plus vieux, ça ne l'intéresse pas partout, lui. Fait que bon. Là, on peut plus aller à la bibliothèque. Fait qu'on télécharge des livres dans la tablette pour qu'ils lisent. Là, on les a inscrits sur Messenger Kids. Comme ça, ils peuvent connecter avec leurs amis. Mon plus vieux, il texte déjà ses amis. Fait que ça, c'est une chose. Mais mon plus jeune, il est en première année. Fait que là, il y a plusieurs personnes de sa classe qui peuvent se parler là-dessus. Fait qu'à tous les matins, genre, il chatte avec son ami Daphné. C'est super cute. Une chance qu'il y a ça, là, tu sais. Ils peuvent au moins se voir, les amis, là, ça, c'est bien, là, t'sais, parce que c'est plate pour eux autres, là, t'sais. Nous autres, on parle sur Facebook, on est live, on voit des affaires, on peut gamer online. Eux autres, là, c'est longtemps, là, les petits, là, t'sais. Donc, ouais, pas évident. Puis moi, je suis seul avec eux autres à maison, fait que, on fait une genre de routine. On peut pas être plugué tout le temps sur les écrans, mais d'un autre côté, moi, qu'est-ce que je ferais... C'est ça que je ferais tout le temps, là, être sur les écrans, et oui, si j'avais pas d'enfant. Fait que c'est ça. Fait notre possible, on essaye de faire des bons repas, manger des légumes, et puis garder le moral. Aller prendre l'air aussi, question de s'aérer la tête, là. Tantôt, à 4h30, tout le monde virait en rond dans la maison, puis là, on était tout fucking abattus, là, tu sais. Je suis comme, OK, on s'habille, là, tout le monde dehors, là, on va faire un tour de rue, là. Il faut mettre de l'air dans nos cerveaux, là, faut s'oxygéner. Parce que comme le docteur l'a dit, on va tout faire des psychoses dans nos maisons. C'est drôle. Là, le but, c'est pas que tout le monde reste dans leur maison. On va avoir des psychoses à gérer. Là. Malgré que là, c'est ça qui arrive. Tout le monde dans les maisons. Fait que c'est ma vie, présentement. Je vais essayer de pas devenir alcoolique. Non, mais de la façon que je suis faite, moi, par exemple, je lui... Puis je vais en venir un peu à la deuxième partie de cet weird épisode, c'est que je veux toujours être productif. Tu sais, c'est comme dans ma nature, je veux rien faire, c'est très difficile pour moi. Tu sais. Donc, mettons, je lève le matin, je me fais un café. La première chose, c'est pas genre, je vais vegger. La première chose, c'est OK, faudrait que j'aie mon ordi commencer à faire ci, setup et ça. Donc, c'est ça. Puis, c'est dur de. Je suis en train de me mettre down avec ça, puis c'est dur d'être productif présentement à la maison, avec les enfants, avec la pression, avec tout ce qui se passe, tu sais. Je me mets beaucoup de pression, disons, et puis il faut que je fasse attention à ça parce que je vais faire une dépression. Fait que pression, dépression, yo! Donc, c'est ça. Là, je m'étais dit, je vais travailler sur mon portfolio personnel pour essayer de me trouver une job en jeu vidéo. Il y a des gens qui m'ont dit que je devrais être designer UI. UI, User Interface, donc ça pourrait être une voie. Oui, effectivement. Par contre, j'avais commencé à travailler là-dessus puis à me mettre bien de pression avec ça, comme quand ça va être fini le virus, tu sais, comme faut que tu sois prêt, man. Faut que tes affaires soient sur la coche. Puis là, c'est pénible, puis là, j'ai de la misère à me concentrer, puis... J'ai essayé Adobe Portfolio, puis là, c'est... Moi, j'ai de la misère à... Je pense que j'ai un trouble de concentration non diagnostiqué, là. Je sais pas quoi, puis quand j'étais jeune, genre, je me rappelle de toute mon école primaire, secondaire même, la résolution de problèmes en maths, je suis pas capable. J'ai un trouble d'attention, genre, je commence à lire le problème, puis là, je suis comme... c'est compliqué, c'est-tu? Puis là, je perds le fil. Puis là, je recommence à lire le problème. Puis là, je suis comme... Ben, c'est ça qui m'arrive présentement avec les fucking logiciels. Moi, je suis pas capable de... je vais apprendre ce logiciel. Tu sais, comme... Non, tu sais, faut que ça marche tout le temps quand je clique pour la prochaine étape. Sinon, je suis comme, OK, pourquoi ça marche pas? C'est-tu mon ordi? Il faut que j'aille googler, voir si mon ordi est compatible, de toute la fin. Comment je fais pour adder les images dans tel truc, dans Adobe Portfolio? Parce que, OK, ouais, c'est un miroir de mon Behance, OK, mais là, mon Behance, si j'ajuste le texte là, il s'ajuste pas de l'autre bord, pareil, tu sais. Fait que là, il faut que je gère deux affaires. Là, j'étais comme, tabarnak, cette affaire-là est en train de me prendre toute la tête, puis je vais virer fou. Donc, j'ai mis ça, ma blonde, j'ai parlé avec ma blonde, bien sûr, qui voyait mon air mortuaire. Et puis, elle dit, calme-toi, là, arrête de te mettre de la pression comme ça, là, tu sais, c'est pas le temps. Fais-le si tu le feels, là. Puis je le feel pas, fait que j'ai arrêté de le faire. Parce que ça marche pas, parce que j'étais en train de me mettre down, tu sais. Par contre, là, ce que j'ai eu envie de faire, RDS m'a annoncé qu'ils continuaient pas avec moi. Et puis, je fais, comme tout le monde, j'en profite pour faire du live, là, tu sais. Fait que je fais setup de pauvre, je game, j'ai fini Blasphemous, j'ai commencé une game de Castlevania 3. J'ai bien du gaming que je veux faire. Là, je me suis dit, crime, je vais me setuper comme il faut pour que mes setups de pauvres soient moins pauvres, tu sais. Donc, j'ai emprunté un Elgato à Retro Nouveau qu'on avait, le Spare. Et puis, je veux me brancher ça. Je veux me faire un beau setup, tu sais, un vrai setup pour quand stream. Je stream, excusez. Et puis, vu que j'ai plus de revenus de RDS, puis il y en a peut-être qui vont me trouver greedy par rapport à ça, je pense que mon contenu peut être désirable, assez désirable pour comme générer un maigre revenu à tout le moins pour ceux que ça intéresse. Alors, j'ai commencé à me travailler une page Patreon. Et puis là, je suis en train de voir les tiers. Donc, l'argent que tu donnes, dans le fond. Ça, c'est des escaliers des locataires au-dessus en métal avec des gros chiens qui font cling, cling, cling. Donc, c'est ça. Donc, j'étais en train de voir les tiers, tu sais, 2$, merci, 3$, accès privilégié à mon podcast avant les autres, plus accès à mon Discord privé pour les Patreons, aussi peut-être accès à un voice chat de Discord pendant que je stream, jaser avec le monde qui m'écoute, tu sais. Un autre tiers, une carte cadeau Retro Montréal à tous les mois de 10$, tu sais, pour un tiers de 10$. Donc, je suis en train de travailler un peu là-dedans. Mais là aussi, je me dis, là, il faut que je pense à mes affaires. Est-ce que je stream sur Facebook ou est-ce que je stream sur Twitch ou sur YouTube? Sur Twitch pour augmenter ma visibilité sur Twitch, mes podcasts, je les fais-tu sur YouTube pour donner l'exclusivité? Je peux pas les faire live. Faut que je branche mon Discord là-dedans. Fait que là, voyez-vous, le pattern encore. Là, faut que je set up mon Elgato, faut que je set up toutes mes caméras. Moi, je suis pas bon là-dedans, tu sais. Puis, Chris, ça me fait chier parce que dans tous mes projets, tu sais, comme si j'étais capable de tout faire, je ferais tout, tu sais, mais je suis pas capable. Personne n'est capable de tout faire de toute façon. Fait que c'est pour ça que j'ai des gens qui m'aident à Retro Nouveau. Qui s'occupe du setup, c'est Jeff, tu sais. Chez Retro Montréal, c'est Fred qui manage tout le back-end, tout le logiciel de gestion derrière tout ça. T'sais, moi, je serais pas capable de faire ça. Chez Arcane Montréal, c'est pas moi qui gère ça non plus, tu sais. Mais ça me gosse. Je veux pas demander d'aide, tu sais, pour le setup. Mais si je le fais pas, j'y arriverai pas, tu sais. Puis en même temps, là, je suis comme perdu dans ce twilight-là de genre... Est-ce que j'embarque là-dedans, tu sais? Est-ce que je continue là-dedans? Parce que je trouve ça compliqué, puis c'est en train de me mettre down un peu, ça aussi, là. Mais je sais pas, je veux builder mon brand un peu, tu sais. Vous avez vu, j'ai changé mon logo, mon visuel. Je suis quand même content. Ça faisait longtemps que je gossais là-dessus à temps perdu. Puis à un moment donné, c'est comme, ah, ça m'a plu. Là, ce qu'il y a là, ça me plaît quand même. Donc, je suis à l'aise de mettre ça, de beurrer ça sur tous mes médias sociaux. Donc, c'est ça. Fait que là, au moins, ça, je suis content. Jeff de Jeff Cron, Young Media, Retro Nouveau, m'aide la soirée du podcast, m'aide le port du casque obligatoire, m'aide avec ça. Et puis, j'ai commencé à... Tu sais, il est super occupé. Lui, il travaille de la maison. Il a un bébé. Puis, tu sais, je veux pas le déranger. Là. Fuck, je sais ce que c'est. Là. Puis, il nous a tellement aidé tout le temps. Fait que je suis bien gêné de lui demander de l'aide, mais... Il m'aide là quand même. Aujourd'hui, j'ai osé lui demander de l'aide par rapport à tout ça. Puis il me donne des solutions, tu sais. Fait que je veux mettre ça en branle, là, dans le fond. Je veux faire ça propre, mais il faut pas que je m'empêche. Faut que ça se fasse, tu sais. Parce que moi, je suis du genre, il faut que ça soit parfait, faut tout que ce soit simple, limpide, pour que je le mette en ligne. Puis là, je suis comme, si je n'y arrive pas, je ne le mettrai pas en ligne, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, crée ça en ligne, puis vis avec, puis on verra qu'est-ce qui se passe. Fait que je travaille là-dessus présentement. Je veux juste comme c'est pas arrêter Rétro Nouveau, c'est pas. Je veux juste comme être maître de ce que je produis, dans le fond. Si moi je décide de parler de ça, c'est de ça qu'on parle. Si je décide d'avoir un invité, c'est cet invité-là que je fais. Je game à ce jeu-là, je parle avec ce monde-là. Et puis je veux être maître de mon brand puis de ce genre de trucs-là que je veux bâtir. Et puis, peut-être qu'à plus long terme aussi, c'est un peu un petit désir que j'ai, et puis que je sais que ça serait big, puis que je pourrais pas faire ça tout seul moi-même. J'haïrais peut-être pas ça, bâtir un genre de site de référence pour le rétro, tu sais, au Québec, où est-ce qu'il y aurait de tout, des articles, des vidéos, des podcasts, tu sais, un genre de hub rétro québécois, tu sais, comme concentré sur le rétro gaming. Par contre, pour faire ça, bien sûr, ça te prend un site, ça te prend quelqu'un qui le manage. Si tu veux que ça marche, à un moment donné, il faut que tu fournisses, faut que tu donnes aux contributeurs, pour donner aux contributeurs, pour qu'ils soient motivés à contribuer, pour qu'ils puissent contribuer, pour que cela arrive, ça te prend des revenus publicitaires, ou je vois pas quelle autre sorte de revenu que ça peut être, à part Patreon, je sais pas quoi. Mais justement, mon Patreon personnel, si jamais il y a un profit qui se fait avec ça, autre que pour comme juste m'acheter de l'équipement pour être plus tête puis faire plaisir au monde puis me faire plaisir aussi, ça serait le fun de bâtir ça. C'est vraiment un désir que j'ai depuis un bout, et puis pour ça, ça prend des revenus. Puis ça prend surtout du temps. Vous savez, j'ai pas mal sacrifié ma carrière professionnelle pour mes entreprises à venir jusqu'à la date. Quand j'ai commencé à faire des soirées de gaming au Funzo, il y a de cela bientôt 6 ans, je travaillais en agence. En fait, je finissais de travailler en agence, puis j'étais en agence de pub, là, de marketing. Et puis, je retournais travailler à la maison. Et puis, j'ai commencé à faire ces soirées-là. Puis, la vente de jeux, j'ai recommencé à faire de la vente de jeux là-dedans. En fait, la vente de jeux continuait de grossir. Fait que tranquillement, ça me grugeait du temps professionnel. Donc, j'avais de la misère à maintenir les deux cadences, tu sais. Donc, j'ai baissé mes revenus professionnels pour faire pas d'argent avec le côté gaming parce que je travaillais à construire ça tranquillement. Puis, tu sais, j'ai fait du Funzo en masse. J'ai loué mon premier petit local. Après ça, on a loué sur Moreau l'autre gros local. Après ça, on a ouvert l'arcade. Et puis, ça a pris 2 ans à peu près, un an et demi, disons, que l'arcade soit ouverte avant qu'on puisse en tirer des profits, vu l'investissement qu'il a fallu faire. Donc, moi, j'ai investi mon temps au détriment de mon travail professionnel pendant 4 ans, là. J'ai fait moins de travail professionnel pour bâtir le reste, tu sais. Fait qu'après ça, l'arcade s'est mis à payer. C'est correct. Ça paye pas autant que si j'avais comme continué à développer ma carrière, à devenir directeur artistique dans une place, puis tu sais, comme être à jour là-dedans. Tu sais, tu peux pas comme développer de quoi d'un bord, puis après ça, être full hot, tu sais, en design, puis être au courant des derniers trends, puis tout développer, tu sais. Chris, tu peux pas tout faire, c'est impossible. Là. J'aimais construire quand même les affaires de jeux vidéo, tu sais. Fait que ça a marché, l'arcade a existé puis tout. Après ça, un petit break. Après ça, quand on a ouvert le magasin ici, là, j'en ai mis des heures là, à faire du shipping, puis à gosser, puis à vendre. T'sais. On en a tous mis, là, c'est pas au détriment des autres actionnaires, bien sûr. Fait que encore une fois, tu sais, comme j'ai mis de moins en moins de temps dans mon travail professionnel, puis ça s'est ressenti. Les contrats ont commencé à descendre, tu sais, c'est bien normal, là. Mais c'est ça. Fait que au moins on a réussi à bâtir un magasin, puis ça me donne aujourd'hui un revenu qui compense. Par contre, faut savoir que un magasin qui se base sur la vente au détail de jeux vidéo en 2020 et un bar, c'est peut-être pas, mettons, les entreprises qu'un conseiller financier te dirait de bâtir dessus comme pour vivre toute ta vie, tu sais. Moi, j'ai sacrifié ma valeur de professionnel au profit de ces entreprises-là qui me donnent beaucoup de bonheur, qui me font travailler en tabarnak puis qui me donnent beaucoup de stress. Mais j'accomplis quelque chose puis je suis bien fier de ça. Ça m'apporte beaucoup. Mais d'un autre côté, j'ai sacrifié ma valeur. Ça fait comme... ça fait des années, là. Ça fait 6 ans, là, 7 ans là, que je développe plus mes skills de designer graphique dans une direction ou un autre, là, tu sais. Puis là, demain, là, mettons que tout passe au feu, là, ou bien que tout le monde meurt du virus, sauf genre... mettons que j'ai plus ces entreprises-là, là. C'est quoi ma valeur à moi, là? Qu'est-ce que je fais pour retourner sur le marché du travail, tu sais? Ça fait des années là, que je ne suis pas à jour là-dedans. Donc, vous comprenez, c'est un peu cette... Je pensais beaucoup à ça pendant la relâche aussi, quand même, tu sais. Faut penser à son avenir, et puis c'est important. De là, mon désir de peut-être retourner un peu, essayer d'aller sur le marché du travail, tu sais. Mais avec le temps qui a passé, ce que j'ai fait pendant toutes ces années-là, j'ai fait beaucoup de design, j'ai fait le branding des deux entreprises. J'en fais plein de design, mais j'ai aussi beaucoup de gestion là-dedans, tu sais. Je suis comme gestionnaire, entrepreneur, gestionnaire qui fait aussi du design, là. Faudrait que, si jamais il faut que je retourne sur le marché du travail, faudrait que ça soit en ce sens. Je m'en suis comme rendu compte en faisant mon CV, tu sais, là, ça, je mets mes expériences professionnelles passées. C'est bien correct, là, j'ai fait plein d'affaires, là. J'ai fait de la télé, j'ai fait du web, j'ai du brainstorm à la production, comme j'ai tout fait. Là. Mais ça commence à faire un bout, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, j'ai bien de la misère à dormir la nuit, hein. Encore plus présentement. Chris, c'est fatigant tout ça. Oh là là. C'est fou, man. Je bâtis des entreprises, j'emploie du monde. Je ne demande jamais d'aide. Je paye des grosses taxes, là. T'sais, j'achète un triplex, man. Je donne des grosses, grosses taxes de bienvenue. Taxes municipales, taxes scolaires, c'est très élevé. Ici, chez Rétro Montréal, regardez ça. Bon, quand on achète de l'inventaire usagé, quand tu perçois des taxes au gouvernement, il faut que tu les redonnes. Si j'achète des jeux neufs pour mon entreprise, je paye des taxes sur ces jeux neufs-là. Quand je les vends, je charge des taxes. T'sais. Fait que moi, les taxes que je charge aux clients, je les donne au gouvernement. Par contre, les taxes que je paye quand j'achète la marchandise, ça me donne un crédit sur les taxes que je redonne au gouvernement, comprends-tu? Donc, toutes les taxes qu'une entreprise paye pour se fournir, c'est des crédits sur les taxes qu'ils doivent redonner au gouvernement. Mais nous, quand on achète de l'inventaire ici, on ne paye pas de la taxe là-dessus, c'est de l'usager, c'est des gens qui viennent nous le porter. Fait qu'on prend, on dépense des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars à acheter de l'inventaire pour lesquels on n'a pas de crédit de taxe. On les revend avec taxe et on donne ces taxes-là au gouvernement. C'est fou, là. Hey, le gouvernement, il est-tu mort de rire, lui? On prend des affaires qui n'existent pas, genre, on les vend. Puis, tu sais, puis non seulement ça, ces affaires-là ont déjà été neuves, là. Ça veut dire qu'il y a de la taxe qui a été perçue. Là, on invente encore de la taxe, puis on redonne une deuxième fois au gouvernement. C'est malade. Est-ce qu'on donne des taxes au gouvernement, nous autres? Est-ce que je donne des taxes au gouvernement? Ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'essaie de trouver comment aider le pauvre travailleur autonome, est-ce qu'il y a presque plus d'heures, puis on le trouve pas, puis c'est compliqué, il faut que je reste chez nous. Ah. 6,5% plus toute la fatigue. Je commence à me laisser aller. Je commence à chialer pas mal. Mais c'est ça. En tout cas, bref. Je me plains pas, mais si... Oh, je me plains, hein, quand même. Je me plains un peu. Mais quand même. Tu sais, aujourd'hui, si je suis pas tant dans marde, c'est parce que j'ai été clairvoyant et que je fais attention. Pendant combien de temps je peux tenir, je sais pas. Hey, si on parle là, que ça va à Noël prochain, là, cette histoire-là, là, imaginez-vous la marde, imaginez-vous la catastrophe, tu sais. C'est fou, là. Est-ce que ça va faire mal? C'est beau de voir l'économie s'écrouler, hein? C'est assez spécial. Enfin, en tout cas, on va se souhaiter le mieux. Et puis, là, je sais que je me plains et que je suis pas dans les pires du tout. Mais c'est mon show, puis j'ai besoin de ventiler. C'est ça. Fait que bref. C'est ça. Mais donc, je vais quand même continuer de voir si je peux me setuper de quoi de le fun avec mon Patreon et puis YouTube et tout ça. C'est compliqué. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais avoir besoin de beaucoup d'aide. Si jamais je vois que j'y arrive pas, je vais juste comme pitcher ça online. Et puis, si jamais je fais ça et puis que ça vous tente de contribuer, ça serait énormément apprécié. Même si on fait comme Rétro Nouveau, genre, puis que c'est ouvert, donnez ce que vous voulez. Moi, ça me ferait bien plaisir, juste pour m'encourager un peu à continuer à faire ces affaires-là. C'est ça. J'aime streamer, j'aime quand le monde me regarde gamer, j'aime jaser avec vous autres, j'aime faire mes podcasts aussi. Puis comme j'ai déjà mentionné, j'aimerais développer ces podcasts-là un peu, avoir des invités qui sont sur sa tête. Je veux pas que ça soit emmerdant, je veux que ça soit de l'information livrée casual, t'sais, livrée comme avec le bonheur. Et puis, c'est ça. Donc, je pense que ça donnerait un excellent show, ce genre d'affaires-là. Puis moi, je suis pas au courant de toutes les nouvelles et je ne connais pas tout. Par contre, je pense que je serais un bon... je serais bon pour interviewer les gens. Pas les interviewer, mais aider à lancer la balle un peu, tu sais, puis à rendre ça funny. Je pense que je serais capable de faire ça, puis que ça serait le fun. Donc, surveillez ma page Facebook pour ça, pour l'instant, et pour probablement toujours, à moins qu'il se passe autre chose, RDS, ça va être terminé. Alors, tout ça, ce que vous écoutez là, va être disponible day one, dès que je suis prêt. Je mets sur YouTube, et puis mon ami et sauveur Jeff Crump m'aide à mettre la version audio partout. iTunes, Spotify, RZO Web... Google Play, je pense. Je suis même pas au courant d'où est-ce que je diffuse tout, parce que c'est JF qui s'occupe de ça. Fait que c'est ça. Donc, si vous voulez m'encourager, je vais être extrêmement heureux et me sentir extrêmement choyé. Merci à tous ceux qui m'écoutent. Merci de m'écouter, me vider le cœur présentement. Ça fait bien du bien. Je vais finir ma petite ping-pong IPA. Et puis, je vais aller dans le backstore ici. Là, j'ai quand même trouvé 5 jeux de Game Boy qu'on a reçus dans le lot qu'on a acheté aujourd'hui, que je n'avais pas. Donc, oui, la collection de jeux continue. Par contre, très modérément, on s'entend. Des petites choses là, qui coûtent pas cher. Une chose qui a coûté un peu plus cher, mais ça, c'était avant comme que ça dégringole et tout ça. Donc, je vais vous présenter ça probablement dans le prochain épisode, en fait. Et vu que là, faut pas que je synchronise ça avec RDS puis tout, et puis qu'on est tous à la maison, ben je vais peut-être être en mesure d'enregistrer justement des podcasts sur une base pas mal plus régulière. Donc, tant mieux. Je vais probablement pas le faire dans mon setup de gaming. Je vais le faire dans une pièce blanche à la maison. Visuellement, ça va être pas intéressant. Mais au moins, je vais être à l'abri des enfants, là, puis je vais pouvoir faire ça tranquille. Ou je vais venir ici le soir, mais ça me demande quand même de la gestion. Donc, à suivre. En tous les cas, merci beaucoup d'écouter cet épisode. Et puis, je vous souhaite vraiment à tous là, de que ça aille bien. T'sais. C'est important de garder le moral. Lavez-vous les mains. C'est vrai, par exemple. Mais outre les précautions de sécurité, je pense que la santé mentale va être de mise au cours des prochaines semaines et mois, peut-être. Je sais pas. Des mois de confinement dans une maison avec les enfants ou même il y en a qui sont seuls aussi, qui ont pas de conjoint, pas d'enfants, pas rien. Ça peut être très long. Là. À un moment donné, tu as fini d'écouter les séries que tu voulais. Là, tu sais. Donc, en tout cas, ça sera pas évident. Ça va être dur pour tout le monde, vraiment. Puis, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Soyez, tu sais, comme, laissez-vous aller. Hein. Soyez pas trop strict envers vous-même. Soyez pas trop rough avec vos enfants. Comme, ces pauvres enfants-là, ils vont avoir besoin de bouger, tu sais. Puis là, c'est comme, haha, c'est drôle, on fait des conneries sur Internet. Dans quelques semaines, peut-être, ça va être un petit peu plus dark. Les gens vont peut-être être un petit peu plus à bout, je sais pas. Il va faire beau dehors au moins. Là, il y a une tempête de neige. Hein? C'est pas beau, ça? Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Prenez soin de vous, chers amis. Je vous souhaite que ça aille bien. Et puis, on se revoit très, très, sûrement, très bientôt. À plus!